Le corps des attachés militaires en Corée a visité le 14 le musée d'État des présents à l'occasion de la journée de la brillante étoile et la filature Kim Jong-suk de Pyongyang.